donc un peu les filles. Allez, marquez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur Antenne de RIG pour écouter votre émission Johnny de A à Z pour cette nouvelle année 2023. Bonne année à toutes et à tous, heureuses années, meilleurs vœux, prospérité et surtout la santé, la santé. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle année et j'ai regardé un peu les programmes télévisés qu'il y avait pendant les périodes de Noël et tout ça, et on a vu des extraits, enfin une sorte de best-of, on fêtait les 40 ans de l'émission Champs-Élysées et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une émission sur les apparitions de Johnny Hallyday, participation de Johnny Hallyday pendant cette émission Champs-Élysées qui est allée de 1982 jusqu'à 2013. Oui, on va essayer de visiter presque tous ces Champs-Élysées où Johnny a participé. Et ce qu'on peut dire sur le programme en question, Champs-Élysées, c'est l'un des programmes phares du PAF animé par Michel Drucker. Et le 16 janvier 1982, l'animateur présentait le premier numéro de Champs-Élysées, le programme de variété diffusé sur Antenne 2. À l'époque, tourné en direct à l'espace Cardin, puis au pavillon Gabriel, situé le long de la plus belle avenue du monde. C'était le rendez-vous incontournable du samedi soir. Plus de 10 millions de fidèles se réunissaient devant leur écran pour voir leur star préférée. 300 émissions, près de 3000 artistes de 1982 à 90 chaque samedi, puis de 2010 à 2013 de façon irrégulière. Et dans les années 80, Johnny Hallyday a régulièrement été invité dans l'émission animée par Michel Drucker. C'était l'occasion pour les deux hommes de s'amuser et de nouer une grande complicité à chaque tournage. Et au cours de cette émission, je vais vous diffuser quelques extraits dont on va commencer par la première apparition de Johnny Hallyday dans ce programme musical Champs-Élysées. C'était le 6 février 1982 et Johnny était invité pour faire la promotion de son spectacle, de sa tournée d'hiver 1982. Petit générique et après on va écouter Johnny Hallyday tout au long de cette soirée. Et Johnny, on va l'entendre parler. Voici Johnny Hallyday avec le titre Noir c'est noir, c'était le 6 février 1982. Tout changer, je le trouverai. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday est l'invité d'honneur de Champs-Élysées. Il est là avec nous, il va chanter à 4 reprises, dont un duo. Je voudrais que vous applaudissiez ces nouveaux musiciens, c'est le groupe Énergie. C'est la première apparition à la télé. Ils viennent du Midi, ils se connaissent avec Johnny depuis quelques semaines, ils vont partir en tournée ensemble, ils viennent du Midi, sont des bons musiciens, c'est leur première apparition à la télévision, c'est important pour eux également. Merci beaucoup, merci encore. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Pourquoi tu as un micro comme ça toi? Ah, on m'a dit que c'était mieux. Parce que moi, je chante pas en noir, c'est noir. Attends. Un, deux. Toi, il est meilleur, le tien. C'est mieux, ça. Oui, c'est très bien. Je voudrais vous dire que cette émission, et c'est rare à la télévision, Johnny ne dira pas le contraire, est réalisée par une femme. Il n'y en a pas beaucoup. Elle s'appelle Françoise Boulin. Et Johnny n'est pas insensible à son charme. Point. Voilà. Non, mais je dois dire quand même que les femmes photographient toujours mieux les hommes que les hommes. C'est vrai, non? Voilà. Il y a le sexe faible quand même. Alors, puisqu'on parle justement des femmes... J'aimerais aussi remercier toute l'équipe de Champs-Élysées qui se sont donné beaucoup de tracas pour faire cette émission avec les problèmes que ça apporte, c'est-à-dire... Oui, la lumière, temps, les preneurs de son qui ont beaucoup travaillé. Alors, j'aimerais qu'on les applaudisse très fort aussi parce qu'ils le méritent. Et maintenant, pour être complet, pour satisfaire la curiosité des nombreux journalistes qui ont voulu assister à cette émission, une grande nouvelle, on l'avait gardée pour nous, on ne voulait pas vous le dire, Johnny et moi, on se sépare, c'est fini. Voilà, c'est fini. Vous savez, c'est-à-dire que moi, en tournée tout le temps, lui tout le temps à la télévision, à la radio... On ne se voyait plus, alors on divorce. Voilà. Johnny est là, on va le retrouver tout de suite avec une chanson. Johnny a enregistré des chansons que vous connaissez, Noir c'est noir, mais on a l'impression qu'elles sont récentes car les orchestrations sont nouvelles. Et il va vous interpréter tout de suite, accompagné par ses musiciens, une chanson nouvelle qui a pour titre La Caisse. La Caisse. Johnny, La Caisse. Avant Mike, sur ce titre La Caisse, on n'y aura que deux titres en playback ce soir. Dans cette émission, Joey Z, John Hallyday et Champs-Élysées. Vous savez que chaque samedi dans Champs-Élysées, nous avons l'intention, nous le faisons régulièrement depuis déjà trois numéros et nous continuerons à aider des jeunes. Il y a eu De Tressant, il y a eu Hervé Christiani, il y a eu Romain Didier, il y a eu Philippe Tibsit et il y en aura d'autres. Chaque semaine, c'est un journaliste, un confrère de la presse écrite qui vient les parrainer. Ce soir, c'est Johnny lui-même qui est venu faire la courte échelle à une jeune interprète marseillaise que vous connaissez déjà peut-être d'ailleurs. Oui, je pense que vous la connaissez déjà parce qu'elle a chanté une chanson que vous avez aimée, qui est Les Feuilles Mortes de Prévert et de Gainsbourg. Et ce soir, eh bien, je souhaite bonne chance pour son nouveau disque. Ça s'appelle L'amour en plus. On peut citer les auteurs tout de même, hein? Michel Mallory. Michel Mallory, oui. Entre autres, hein? Et l'autre, je ne vais pas oublier l'autre parce que c'est important de citer les deux. C'est pas comme ça pour moi qu'il a écrit. Attendez, ben, on va le citer tout à l'heure. Oui, c'est pour ça qu'il a écrit la chanson, hein? Elle va nous le rappeler, Claire, tout à l'heure, juste après la chanson, puisqu'on va la retrouver pour un duo. Ça s'appelle L'amour en plus à Marseille. Hein, on est heureux ce soir car elle est marseillaise et son parrain c'est Johnny, mais nous avons tous eu des parrains dans notre métier, y compris Johnny. Claire Dasta. Moi j'ai eu Lynn Renault. Exactement. C'est Marc Benoît. Voilà, et Michel Mallory. Michel Mallory qui est un ami fidèle. Je sais qu'il croit en vous depuis très longtemps et il a écrit pour Johnny tant de succès. Alors maintenant, avant de retrouver Johnny tout seul et avant, hein, je ne l'ai pas précisé, vous savez qu'il y a une soirée exceptionnelle sur Antenne 2, avant de rejoindre Francis Caillot, Patrice Laffont, l'équipe d'Armand Jameau pour la finale des chiffres et des lettres en direct de Monte Carlo, un duo qui nous fait plaisir. C'est une chanson qui a 7-8 ans. C'est une chanson qui doit avoir à peu près 7-8 ans. C'est une chanson de Chris Christopherson. Et les paroles françaises ont été traduites de l'anglais par Michel Mallory. Ah, Michel Mallory. Alors, un duo. Claire Dasta et Johnny qui vont aller s'installer là-bas. Johnny prend sa guitare. Le titre de la chanson en français, on donne le titre de la chanson en français. Ah, attends, ouais. Quand même. Voilà, on va installer tout ça. Voilà, tout va bien. J'ai pleuré sur ma guitare. J'ai pleuré sur ma guitare. J'ai pleuré sur ma guitare. l'air d'Astal. Elles sont bien, quand même. Très bien. Merci, Claire. Nous allons laisser maintenant Johnny. Avec ses musiciens et avec les ballets de Jean Guélis, nous allons terminer avec toute la musique que j'aime. En vous remerciant de votre attention, restez sur Antenne 2 pour la finale du Chiffre des Lettres. Mais nous restons encore au moins 5 ou 6 minutes avec Johnny, toute la musique que j'aime. Ce n'est pas 5 ou 6 minutes, c'est 12 minutes. La musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce que le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante tant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps son des guitares, les mains noires lui donnaient le jour, pour chanter les craintes et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Mais la musique vivra, tant que vivra le blues. Le blues ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à entre. J'y mets mes peines, et tout ça, ça me fait le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. sur le titre de la musique que j'aime de ce 6 février 1982, on retrouvait également Francis Cabrel qui était dans les chœurs, qui chantait toute la musique que j'aime. Francis Cabrel que Johnny retrouvera un peu plus tard au cours des années. À présent, nous allons passer à la seconde apparition de Johnny Hallyday lors de cette émission Sans Isée. C'était le 25 juin 1983. Johnny est invité et co-présentateur et il était là pour présenter son nouveau single Pour ceux qui s'aiment. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, cette émission Johnny de A à Z, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Et ce soir, je vous présente Johnny Hallyday et Champs-Élysées, les apparitions de Johnny Hallyday dans Champs-Élysées. Bonsoir. Merci de votre accueil. Oui, bah c'est toi qui sais faire ça, moi je sais pas faire ça. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je suis un clown quand je fais ça. Chers amis, c'est la dernière de la saison. Johnny en est l'invité, il va même être le co-présentateur de cette émission. Francis Robin, qui est son décorateur, qui est également le nôtre, a eu cette idée de nous emmener déjà en vacances avec ses arbres fruitiers. J'espère que les vacances sont bonnes. On dirait un décor pour Chantal Goya. Oui, oui. C'est tout à fait ça, un peu un livre au pays des merveilles. C'est Johnny au pays des merveilles ce soir. Il y a beaucoup de choses dans l'émission, on va essayer d'être le plus concis possible, car il y a vraiment tous les gens, vous avez vu sur ce générique réalisé par Françoise Boulin. Johnny est l'invité, je vais lui demander de prendre sa place, moi je vais déjà m'éclipser. Et il va commencer avec une chanson qui est une chanson d'amitié, puisque celui qui l'a écrite s'appelle Long Christ et que Johnny est fidèle en amitié. On en parlera d'ailleurs de l'amitié avec Johnny Hallyday dans un instant. Gabriel, ça vous rappelle quelque chose? Johnny! Je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. Oui, 10 ans de chaîne sans voir. C'était ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour. C'était ma peine pour ça de l'amour. Oui, j'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Oui. Pour Nathalie. Dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes. Je le vois d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Je veux t'expliquer, tu comprends le jour et la nuit. Oui, je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'en fais. Si tu vraiment ce que tu veux faire, je ne serai plus l'esclave de ta chair. Oui, 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Oui, 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Oui, j'ai refusé mourir d'amour enchaîné. J'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Oui, j'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Gabriel. Si vous n'avez pas vu Johnny, si vous n'avez pas vu Johnny Hallyday depuis longtemps, vous aurez remarqué un petit changement. Il a retrouvé la ligne. Mais mon cher Drucker, vous n'êtes pas si mal non plus. Vous chantez cet été, Johnny? Je fais une dizaine de galas pour payer mes 10%. Comme nous, comme tout le monde d'ailleurs, on a tous 10% exceptionnels à payer. Et puis je me suis retrouvé à la fin de l'année sans avoir l'argent pour les payer. Alors j'ai fait une tournée de 10 jours pour payer ces 10%. Vous voyez, quand on vous dit, hein, quand vous lisez partout que les chanteurs roulent sur l'or, c'est pas toujours vrai, hein? Pas toujours. Bon, nous allons maintenant. Denis. Vous n'avez pas été sans remarquer que la chanson a toujours intéressé les acteurs, mais que les chanteurs s'intéressent aussi de plus en plus au cinéma. Oui, et vous, c'est vrai, ouais. Vous n'avez jamais fait une tentative vraiment sérieuse au grand écran. Pourquoi? J'en ai fait plusieurs, mais qui n'ont pas marché. Et puis, je dois dire que toutes les tentatives que j'ai faites au cinéma... Enfin, les producteurs à l'époque étaient... Aujourd'hui, il y a... Disons qu'il y a une nouvelle jeunesse de producteurs, une nouvelle vague de producteurs qui sont des gens de notre génération qui considèrent que les chanteurs à l'écran peuvent faire une carrière. À l'époque, quand on parlait à un producteur de prendre un chanteur, oui, mais enfin, il est chanteur, il ne peut pas être comédien s'il est chanteur. Ce qui est faux, et la preuve en a été donnée d'ailleurs par plusieurs actes, par Montand d'abord, qui est un des plus gros acteurs français. Aznavour aussi. Aznavour, et puis... Puis plus près de nous, Souchon. Oui, bien sûr. Même Jonas qui commence. Et puis aujourd'hui, on a des producteurs qui sont, disons, prêts à confier des rôles à des chanteurs, et ce qui est formidable. Mais vous avez donné là, une interview cette semaine à VSD. Il fait chaud, ça va. Oui, il fait chaud. Bah oui, on n'a jamais trouvé le système en France pour essayer de rafraîchir un petit peu les studios. Il fait 40 degrés, c'est beaucoup pour les acteurs et les chanteurs. J'ai lu dans VSD qu'avec Nathalie Baye, qui est une jeune actrice que vous connaissez peut-être, vous envisagiez éventuellement de faire un film, pas un polar, disiez-vous, mais plutôt une comédie musicale. Oui, non, on a très envie, Nathalie et moi, de faire un film ensemble en début d'année 84. Bon, on a plusieurs propositions, c'est-à-dire on a 3 ou 4 scénarios qui s'écrivent pour nous, qu'on va sûrement faire entre février et mars. Je peux pas vous dire plus parce que je les ai pas lus encore. Eh bien, on va maintenant retrouver quelqu'un que vous connaissez, qui vous a toujours imité, mais tous les imitateurs vous ont imité. Oui, j'aime pas tellement ça. Non, mais lui, il l'a fait de façon très émouvante. Il va nous présenter ce soir, non pas une imitation de Johnny, mais son dernier tour, son dernier sketch, sa dernière improvisation. Et vous allez voir que, comme tous les imitateurs, il sait être journaliste et il sait regarder la télévision sans en perdre une miette. Patrick Sébastien. Ah bon, on va retrouver Johnny d'abord. Ah ben c'est vous qui aviez raison, mais j'étais perturbé moi par Alain Gilopétré. Alors on va retrouver Johnny. On va retrouver Johnny avec une nouvelle chanson. C'est la semaine dernière, j'ai pas encore digéré. C'est bien Johnny. Nous sommes bien sur Antenne 2, c'est bien Champs-Élysées. Très bien, je m'appelle pas Polak. Ah bon, d'accord, très bien. Johnny, quand tu veux, et pardon. Johnny Hallyday. Une chanson toujours pour deux. Ceux qui s'aiment ont le temps, ils oublient le présent. Rien ne peut séparer ceux qui s'aiment. Pour ceux qui s'aiment, un retard c'est une absence. La colère devient silence. Ce qui s'est... chanté sa dernière chanson. Pierre Billon a participé à cette chanson. Ça s'appelle « Signe extérieur de richesse ». Bon été, on se retrouve le 17 septembre, moi un petit peu avant, le 22 août à partir de 8h30 sur Europe 1. Je vous remercie Johnny Hallyday de sa participation. Et puis soyez prudents sur les routes, j'espère vous trouver le 17 septembre. Merci pour votre fidélité pendant toute la saison. Johnny Hallyday. Je pense que ton bêtise m'a pas. Johnny Hallyday revient le 15 octobre 1983 présenter son album Entre violence et violon. Oui, parce que on écoute ce soir Johnny Hallyday et toutes ses apparitions dans l'émission des Champs-Élysées de Michel Drucker. Donc on y est le 15 octobre 1983. Merci. Bonsoir, merci. C'est la rentrée ce soir de Johnny Hallyday. Je salue tous ceux qui sont venus de très loin. Nous avons des auditeurs à l'invitation de la Voix du Nord qui sont là. Nous avons des fans de Johnny qui sont venus de la France entière. Nous allons retrouver tout de suite Johnny. C'est une émission un peu particulière ce soir. La couleur de l'émission est un peu différente. C'est Johnny qui a fait 70% du programme. On verra donc des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est-à-dire, on va faire du rock et du blues. Et du blues, d'accord. Bon. On retrouve tout de suite Johnny avec la fille d'en face, une nouvelle chanson signée Bernard Lavillier. Johnny Hallyday. Les yeux dans le vague, la gueule mal rasée, j'essaye une chanson d'amour. Depuis que je vis seul, la difficulté, c'est de rimer avec toujours. Les dames que je vois, posées sur mes draps, sont vides avec le jour. Je n'ai plus de voix, je fume et je bois, je garde le sens de l'humour. La fille en face, devant sa glace, tire sur ses paniers longs. Je cherche un blues en sol. Tous les mots d'amour que j'ai oubliés, peut-être sur un la bémol. Mon regard d'acier, plein dans la fumée, se pose sur du velours. Elle est encore là, elle sait que je la vois, avec son client de tout. La file en face, finit sa passe. Sur le balcon, sa bouche rouge, sa peau dorée, brille au-dessus du néon. Oui, je change, elle me dérange. Rassurez-vous, c'est la rentrée de Johnny avec des nouvelles chansons. Oui, attendez. Johnny, je me suis toujours demandé, dans les concerts, dans les galas, quand vous avez 5 ou 6 000 personnes, si c'était un stimulant d'entendre vos fans vous soutenir et si ça n'était pas gênant pour la mémoire, pour les chansons. Non, pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que quand ça ne réagit pas dans le public, je dois dire que l'ambiance n'est pas terrible et puis... c'est un stimulant, en quelque sorte, oui. Bon, le programme, c'est vous qui l'avez fait. On avait décidé ça il y a 4 mois. En grande partie, pas complètement, parce que vous aviez vos invités aussi. C'est ça, on a voulu respecter l'actualité. Vous avez reconnu Marie-France Pisier, Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Aldo Macione. Mais la couleur de l'émission sera un peu particulière, car Johnny nous présente ce soir des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos émissions, qui chantent le rock, qui chantent le blues. Oui, par exemple, comme Bill Durham, Monsieur Blues. Oui. C'est-à-dire que Bill Durham est un de mes chanteurs de blues français préférés. Trust également. J'ai enregistré une chanson de lui parce que je trouve que ce qu'il fait, c'est formidable. Je tiens à le dire. Et j'ai tenu à l'avoir dans cette émission parce qu'on le voit, à mon avis, trop rarement à la télévision. Nous allons retrouver maintenant Bill Durham et Johnny Hallyday, une chanson de Bill Durham. Laisse-moi une chance. Johnny et Bill Durham. Des filles, de toutes celles que tu aimes par ici, parce que t'arrives à la cheville. Laisse-moi une chance. Oh, tu sais, je peux faire mieux. Je peux faire mieux, oui. Je voudrais tellement que tu recommences. Oh, comme quand on y est. Tu m'as lourdé, je te rendais la vie impossible. Et depuis que les plombs ont sauté, j'ai comme changé les fusibles. Laisse-moi une chance. Ah, tu sais, je peux faire mieux. Je peux faire mieux. maintenant Johnny. Entre violence et violon, accompagné au violon par Catherine Lara, ça va de soi. Johnny Hallyday. Entre violence et violon. Et puis l'un de l'autre, le coup contre le roi, chuta contre la montre. La rage au bout des poings et le cœur sur la main. Aujourd'hui, il travaille, le docteur Jekyll. J'ai contre moi le rêve, et pour moi la révolte. J'ai la paix sur les lèvres et les doigts sur un colt. Je joue avec les femmes, à poker interdit. Mais je perdrai mon âme, à gagner un ami. Je joue avec les femmes, à poker, à Charlie. Mais je perdrai mon âme à gagner un ami. Colore ma mémoire de rêve d'Amérique. Je flottais sur l'Atlantique de Fender en Gibson et brûler des mécaniques sans parler d'Amérique. Et j'allais en Las Vegas, le diable avait 16 ans. Et pour l'école d'en face, l'enfant avec un enfant. J'allais au bout de Paris comme au bout de la vie. Et j'allais tout tenir sans avoir rien appris. J'allais au bout de Paris comme au bout de la vie. Et j'avais tout connu sans avoir rien appris. Il y a deux hommes en moi, l'un grand et l'autre donne. L'un condamne celui à qui l'autre pardonne. Je suis entré en vie côté cour un matin, et j'espère en sortir en vie, côté jardin. Je suis entré en vie côté cour un matin, et j'espère en sortir en vie côté jardin. Nous allons maintenant retrouver Johnny avec avec peut-être un de ses meilleurs amis. Finalement, ils font un petit peu équipe, leurs chemins sont un peu parallèles, ils se connaissent depuis très longtemps. Et ils sont toujours au top après plus de 22 ou 23 ans de carrière. Ils vont évoquer leurs souvenirs, c'est une chanson d'Eddie Mitchell. Mes 16 ans et le bar du Calypso, le square de la Trinité, c'était hier ou avant-hier. Johnny, Eddie Mitchell. C'était hier. C'est pas loin. Alors, on peut se poser la question, Le bar du Calypso, les années 60, non seulement vous êtes toujours là, mais pas une ride. Le bar du Calypso, ça existait, hein. C'était pas loin de la Trinité, d'ailleurs. Alors, il y en a eu des chanteurs qui sont venus, il y a deux générations qui sont passées, vous êtes toujours là. Comment vous expliquez ça? À mon avis, je connais les raisons. Vous avez toujours été sobre. Couché tôt. Jamais d'abus. Jamais après minuit. Voilà. Jamais d'abus. Jamais. Jamais. Vous avez toujours eu des vies familiales. Couché tôt, levé tôt. Rentrer très tôt. Très sérieux. Ouais. Vous êtes toujours arrivé à l'heure dans vos galas. Même avant l'heure. Souvent même le jour d'avant. Même la veille. Oui. Même la veille. Quel conseil vous donneriez à ceux qui voudraient faire votre carrière qui démarre maintenant? De commencer maintenant. Ah oui. Sans tarder. Bon, alors, vous avez un point commun, vous avez toutes les deux. Voilà comment ils ont réussi. Vous avez tous les deux un point commun, c'est... Oui, ma biche, mais vous avez... Mais vous avez une passion pour le cinéma, et je crois que sur ce plan-là, Eddie, il est déjà passé un peu de l'autre côté. Il faut savoir qu'Eddie Mitchell synchronise un film, il en tourne un autre, il est venu chanter quand même. Il tourne avec Michel Serrault, un film de Jean-Pierre Mocky. C'est ça. Oui. Vous tuez quelqu'un? Avec Carole Laure. Vous tuez qui, Serrault? Ah, je tue plein de gens. Mais vous tuez beaucoup d'hommes. Quant à Johnny, il est l'auteur de la musique d'un film qui s'appelle Signe extérieur de richesse. Un film de Monsieur Monet avec Claude Brasseur. Oui, avec Claude Brasseur, Balasco. Josiane Balasco. C'est un très bon film, il faut aller le voir. Alors, le sujet peut vous concerner. Je tiens à dire que dans ce film, je perds ma guitare, c'est dramatique. J'ai mis mon nom dessus pour pas qu'on me la vole. Oui. C'est-à-dire que dans ce film, je chante pour la première fois, en anglais, dans un film. Le sujet du film est intéressant, c'est un monsieur qui a tout pour être heureux, c'est Brasseur, il s'appelle Gigi, et il a des succès auprès des femmes, il a beaucoup d'argent, et puis il a un jour des problèmes avec le fisc, choses qui ne vous sont jamais arrivées. Moi je paye toujours avant, oui, c'est ça. Je suis tranquille. C'est une comédie. Avec 20% d'intérêt, bon, c'est normal. L'acteur Eddie Mitchell tourne à plein régime, et l'auteur, le compositeur, le chanteur continue à faire les deux tout de même. Hein. Bah oui, je suis un des rares chanteurs où, je veux dire, le dicton est le seul chanteur. Oui. Non, je veux dire, qu'est-ce que vous faites la semaine? Parce que le dimanche, on sait que vous chantez. Oui, je fais mon disque le dimanche, moi, vous voyez. Bah, il ne vous reste pas beaucoup de temps pour la famille. Non. Vous êtes mis à l'eau, il paraît? Buvez de l'eau? C'est Johnny qui vous a dit ça? On va retrouver Johnny maintenant. Quand un homme devient fou. Drôle de fumée, drôle de fuiteur, il m'a dessiné. Toutes les nuits, là. dit, quand un homme devient fou, il faut préciser que Mort Schumann et Claude Lemel sont les auteurs de cette chanson. Oui, c'est exact. C'est, oui, c'est une très jolie chanson de Mort Schumann et Claude Lemel. D'ailleurs, je pense que Mort nous regarde ce soir. Bonsoir, Mort. Ça va? Alors, le public se demande quand vous allez revenir sur scène. Voilà, voilà la réponse. Eh bien, si tout va bien, et il n'y a pas raison que ça n'aille pas, ce sera le 15 octobre 84. Dans un nouveau lieu, hein. Oui, dans le nouveau port de Pantin. Et ça, pour la première fois, je suis fier de dire que c'est la première fois que je fais 4 mois à Paris. 4 mois. Une salle immense, hein. Oh, c'est une salle, oui, c'est une salle qui est plus grande que le Palais des Sports, c'est une salle qui fait à peu près 5500 personnes. Et on sera là, bon, pour 4 mois. D'ici là, vous allez vous intéresser un peu au cinéma. J'espère que vous allez venir. Je viendrai, hein. Je viendrai avec ma guitare. Et j'allais, d'ici là, vous allez vous intéresser au cinéma. Oui, j'ai des films en vue, je vais faire, je ne copie pas, mais je vais faire comme mon ami Eddie. Je vais faire quelques films, j'ai envie depuis très longtemps. Et puis bon, l'occasion se présente pour moi et je suis content. Je vais pouvoir jouer les mauvais garçons, peut-être. L'émission va se terminer avec Johnny. Là, il faut que je prenne sa veste. L'amour violent, Johnny. L'amour violent, merci de votre attention. Merci et à samedi prochain. L'amour violent, Johnny. Je joue pour les invités. Écoutez, érigé l'émission Johnny de A à Z, où ce soir je vous présente toutes les apparitions de Johnny Hallyday lors de l'émission Champs-Élysées, présentée par Michel Drucker de 1982 jusqu'à 2011 ce soir. Oui, Johnny a chanté jusqu'en 2012 et il présentait L'Attente, mais on en parlera un peu plus tard de ça. Nous sommes à présent le samedi 29 septembre 1984. Johnny est invité à Champs-Élysées où il présente ses deux nouveaux titres, Rien à personne et Ne tuez pas la liberté. Et Johnny retrouve à nouveau Eddie Mitchell pour un duo sur Mes 16 ans. Puis les deux amis, rejoints par Michel Sardou, entonnent Happy Birthday Rock and Roll. Donc on va pas écouter Ne tuez pas la liberté car c'était un titre en playback, et on n'écoutera pas non plus, on l'a écouté tout à l'heure, Mes souvenirs, Mes 16 ans. Mais on retrouve tout de suite Johnny interprétant Rien à personne. Oui, j'ai donné plus que personne à cette carte, lui je me cogne. Je me fous de ce que l'on pense, et pour tout dire, je m'en balance. J'ai mes joies et mes souffrances. C'est une sacrée branchette que j'ai là, quand même. Hein, on a rarement l'occasion de vous voir sur un plateau de télévision. Est-ce que vous vous fréquentez, André? En vrai. De temps en temps. Ça nous regarde. Ça nous regarde. Est-ce que vous voyez en dehors de vos spectacles un petit peu? Bien sûr. Oui. Michel, est-ce que Johnny et Eddie, on peut dire que ce sont deux des artistes qui t'ont donné envie de faire ce métier, de faire de la scène? Ah, certainement, oui, ça je peux. Enfin, il n'est pas si jeune que ça, quand même, faut pas exagérer, il n'est pas si jeune. Il n'est pas si jeune que ça, bon. Non, mais enfin, je rappellerai quand même que monsieur m'a connu en culotte courte. Oui. Hein? Un des premiers spectacles que tu aies vu, c'était celui de Johnny? C'était celui de Johnny, un des premiers, c'était aux arènes d'Arles. Alors j'étais petit. Non, en maillot de bain. Hein? En maillot de bain? Non, non, en maillot de bain. J'étais en Bermuda, quoi. Ouais. C'était aux arènes d'Arles et ça a été un grand souvenir et ça a été même un déclic parce que c'est ce qui m'a fait aimer la scène, les chanteurs, le rock'n'roll. Et nous voilà ce soir. Et nous voilà ce soir. Embrasse-moi. En vrai? Il a chaud, il a chaud. Michel, quel souvenir gardes-tu de ce spectacle? Qu'est-ce qui t'avait frappé énorme? C'était le contact d'abord tous les deux, c'est ça, c'est le contact, le public qui est leur public, c'est un public qui participe avec eux, qui vit avec eux, qui est comme eux, qui s'habille comme eux, qui comme moi d'ailleurs j'étais quand j'étais môme, je m'habillais avec les pompes de Johnny, la veste de lui, les chaussures pointues et puis le jeu avec de jambes. Le jeu de jambes. Non mais je veux dire il y a un contact qui se passe qui est bien parce que puis en plus ils chantent des choses drôles. Oui, c'est vrai. Mais toi t'as jamais chanté le rock? Non, moi je chante pas de rock'n'roll, non. France, le France. Oui, le France, oui. On va maintenant se quitter avec ce trio, en vous remerciant votre attention, en rappelant que monsieur Eddie Mitchell, eh bien lui, il commence dans quelques jours. Eh oui. Et alors, et vos amis de la dernière séance, comment ils vont faire pendant ce temps-là? Eh bien, justement, j'ai enregistré quelques émissions, et comme à partir du 3 octobre, je suis au Palais des Sports, mais j'ai des camarades qui vont venir vous remplacer. J'en connais qui vont en être. Oui, bien, j'y retourne, oui. Très bien, ben, vous verrez donc Michel la dernière séance. Michel part sur les routes de France avec des nouvelles chansons. Une vient de naître. Alors vraiment, c'est tout chaud, ça. C'est, ah bah, ça s'est terminé cette nuit. C'est à 3h du matin, oui. On peut rappeler les co-auteurs avec Michel Sardou de cette chanson. Il y a Jacques Revaux, Didier Barbelivien et moi. Voilà. Et il dit, eh bien, lui, il termine son film mardi. Moi, c'est Johnny. Lui, c'est Johnny. Lui, c'est Johnny. Pardon. C'est l'histoire des jumelles. Avec les jumelles. Johnny termine son film et puis il attaque le 25 octobre. Le 25 octobre. Eh bien, on viendra le voir et avec son autorisation, on ira filmer une chanson. Ah, bah, ça sera avec plaisir. On avait déjà fait Qu'est-ce qu'elle a ma gueule, c'était à Pantin. Bon, ma gueule, oui. Et bah, là, je vous garderai alors une chanson inédite. Pour inédite. Ça. Très bien. On les remercie. Et moi, rien alors. Moi, au oui. Des... Si, si, si, si, si, si. Si, si. Non, non, on vend les billets. Non, mais lui, c'est le plus jeune. Les trois. J'avais gardé pour la fin. J'avais gardé pour la fin. Lui, eh bien, il est là comme invité d'honneur le 1er décembre. Ah, voilà, très bien, dans Champs-Élysées. Mesdames, messieurs, le temps presse. Avant de retrouver dans Les Enfants du Rock Sex Machine. Oui. Enfin. Et oui, Germaine Jackson, Mémène pour Souchon. Nous allons terminer avec Monsieur Mitchell et les folies de Monsieur Savary. Bien sûr. L'idole chante au dessert. J'en ai bien peur. La dernière chanson de l'émission. C'est rock'n'roll. C'est parti. cette émission donc du 29 septembre spécial Eddie Mitchell, 29 septembre 1984. Johnny fera une petite apparition donc dans Champs-Élysées le 27 octobre 1984 avec les deux titres La Garce et Ne me quitte pas. Et donc c'était des captations donc du Zénith. On va le retrouver maintenant le 1er juin 1985. Johnny faisait la promotion de son album Rock'n'Roll Attitude. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Johnny interprétera donc le chanteur abandonné, Quelque chose de Tennessee en duo avec Michel Berger. Et à cette occasion, Télépoche et Téléstar lui consacrent leur une. Et on aura droit, donc à Qui ose aimer également. Pendu à mon cou. Et voici le chanteur abandonné dans l'émission Johnny de A à Z, où ce soir on retrace les apparitions de Johnny dans l'émission Champs-Élysées. Il y a des flatteurs qui traînent sur scène et on démonte les projecteurs quand sa vie n'est plus mise en scène. Ça lui fait peur. Thank you. belle vie dans sa tête. Il fait le vide dans son cœur. C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner. Devant vous, une chanson plus rapide hein, qui vous aimez. Mais d'abord, je voudrais qu'on dise un petit mot sur les musiciens qui sont derrière ce disque. On ne fait pas un disque sans... J'ai eu des musiciens exceptionnels. J'ai eu d'abord un complice, un vieux complice à moi qui a déjà fait plusieurs albums avec moi à la guitare, Peter Frampton. Nous avons eu aussi à la guitare Chris Pedding qui a fait aussi le dernier album de Paul McCartney. Nous avons eu des Carlos Vega, enfin Yannick Top, qui sont tous des stars. Hein. Enfin, il y en a, on a eu beaucoup de stars, sans oublier bon, les Français aussi qui ont participé à ce disque. Bon, alors puisqu'on parle de disques, on parle de musiciens, parlons tout de suite de scène, puisque ça c'est la question que tous les fans d'Hallyday se posent lorsqu'ils viennent se terminer. Le Zénith s'est passé et non seulement c'est pas fini, mais Johnny peut vous annoncer ce soir que la rentrée sur scène c'est 87. 87, oui. 87, c'est ça. Pour du rock'n'roll. On y va. Alors on y va, je garde ce micro, il y en a un autre. Ça c'est une nouvelle chanson. Qui ose aimer ? Un peu de silence, d'accord ? Merci, d'accord. Nos nerfs tiennent pour l'instant. Et on a encore pour une demi. J'ai remarqué que vous avez remarqué aussi, non ? Qu'il n'a pas de cravate. Pas de cravate. Et il est en polo. Oui. À ta demande. À ta demande. Oui, le micro ne marche pas, mais ça fait rien. Ça fait un quart d'heure que je dis qu'il ne marche pas, mais il ne marche toujours pas. Oui. Oui, et je suis chez Branché. Non, j'avais demandé qu'il mette un t-shirt, il n'a pas osé, il a mis un polo. Bon, mais enfin, c'est pas grave, hein, c'est quand même pas mal. Ouais. La veste ? Attendez, je vais faire comme le rocker, je vais la faire tourner comme ça. C'est le présentateur de télévision qui perd les pédales et qui lance sa veste au public croyant qu'il est devenu rocker. Bon, attendez, chut, chut, chut, un petit peu de silence. Chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee. Johnny interprétait pour la première fois le titre Tennessee, donc c'était sur le plateau de Michel Drucker, Champs-Élysées. On le retrouve avec le dernier titre de cette émission du 1er juin 85 et le titre Rock'n'Roll Attitude. Pour mes filles. promotion de cet album Rock'n'Roll Attitude qui sortira, lui, le 26 juin 85. Et cette émission a été diffusée en direct le 1er juin 1985. Vous écoutez Érigé, la radio de Johnny Hallyday tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Ce soir, on retrace le parcours de Johnny Hallyday dans l'émission Les Champs-Élysées. Et la prochaine émission qu'on va écouter de Johnny Hallyday dans Champs-Élysées, c'était, j'ai permis mes petites fiches, c'était le 16 janvier 1986, une émission qui était endeuillée par la mort de Daniel Balavoine. Le chanteur numéro 1 à l'époque, c'est Johnny, qui revient avec un nouveau single signé Michel Berger. La chanson est en tête des ventes et deviendra un de ses standards. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie. Peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee. Mais la recette gagnante, c'est aussi d'ajouter quelques ingrédients stars de la scène internationale. Jean Poiret, vous connaissez Sting, bien sûr. Sting. Oui. Si vous connaissez pas, demandez à Johnny, vous expliquez. Sting était le chanteur de Police. Maintenant, il chante tout seul. Et moi, personnellement, c'est mon chanteur préféré. Sur le plateau, les invités essayent de donner le change. Mais en réalité, ils sont accablés. Voilà, l'émission se termine. Jean-Jacques Goldman est venu sans Michael Jones. Et il ne chantera pas Je te donne ce soir. Il va vous donner la raison lui-même. Ni Michael, ni moi n'avions le cœur de chanter une chanson qui est gay. Et donc on a décidé de s'abstenir et puis de chanter une chanson sur laquelle on pourrait vraiment penser à Daniel, parce qu'on pense vraiment à Daniel. Tout ce que je puis dire sur Daniel, c'est que c'était un type bien. Le 26 mars 1986, Johnny revient sur le plateau de Champs-Élysées pour faire la promotion de son nouveau film de Costa Gavras, Conseil de famille, avec Fanny Ardant et Guy Marchand. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous présente un nouveau présentateur de télévision, Johnny Hallyday. Il essaie de chanter. Michel Drucker, avec qui je présente cette émission. Il est beau comme ça, hein. On vous regarde de près. Tu n'es pas mal non plus, hein. Mais c'était gentil. On se vouvoie, on se tutoie, ce soir. On va essayer de se vouvoyer parce que ma mère déteste que je tutoie les artistes. C'est vrai, oui. Johnny, un peu spectateur du spectacle chanté ce soir, car depuis quelques mois, est-il besoin de le rappeler, Johnny Hallyday se consacre au cinéma. Mais j'ai l'impression, en vous observant depuis quelques jours... Non, mais je n'abandonne pas la chanson. Non, hein. Justement, mais j'ai l'impression, en vous observant, que la scène commence à nouveau faire partie de vos préoccupations. Hein. Bien, c'est évident, puisque j'ai signé ma rentrée à Paris en septembre 87, à Bercy. À Bercy. Donc, j'y pense un peu. Là, je commence un petit peu à penser au prochain album que je vais faire. Et puis, bon, petit à petit, j'y pense. Et puis, petit à petit, ça se construit quand même dans ma tête. Oui. On peut déjà peut-être dire quels sont ceux qui vont travailler sur les prochaines chansons de Johnny Hallyday. Bon, je sais qu'il y aura Jean-Jacques Goldman qui va travailler un petit peu avec moi sur certaines chansons. Elton John. Vous l'avez vu, Elton John, d'être allé? Oui, j'ai dîné avec lui hier soir. Vous avez vu le spectacle? Oui, c'est un spectacle formidable. Il paraît qu'il est habillé sobre. Il est toujours aussi fou, quoi. Toujours aussi fou. Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant accueillir Monsieur Guy Marchand. Bravo! Mon cher Guy, voilà, on a réuni toute la famille. Voilà. Toute la famille au grand complet. À Fanny. vous ne pas répondre, mon cher marchand. Mais je vous en chantais une aussi. Oui. Après lui, ça va être dur. Bracelet aussi, alors. Oui. Ah oui, oui. Ah bon. Vous adressez bien entendu à Fanny, hein. Suddenly appeared before me, the only one my heart will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked and would I turn a gold or blue. Et quand je pense, tu sais que quand, oui, on a ri comme ça pendant 3 mois. C'est vrai, Fanny, ils ont chanté souvent sur le plateau. Oui, oui, très souvent dans la roulotte. Là où on Vous logiez dans une roulotte. Non, c'est non, la roulotte. On se changeait. Où on se changeait. Ah oui, d'accord. Oui. Non, ils ont beaucoup et chanté. Et où on faisait la sieste tout ça. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. On riait ensemble, on parlait ensemble, on dormait ensemble. Non. Non. Non. Vous imaginez. Vous imaginez les journalistes qui regardent l'émission. Allez, on recommence à zéro. On recommence. Non, parce que. On annule les titres. On recommence tout. On recommence tout à zéro. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faisiez ensemble? Non, Alors, comment voulez-vous remonter un truc pareil? Non, il faut dire qu'on avait des roulottes et que chacun dans notre roulotte faisait la sieste. Pendant que Stagafas nous attendait pour tourner. Voilà. Voilà. Bon, mais ben, on est sorti. Vas-y, continue, ma chérie. Laissez-la terminer sa phrase. On a surtout joué à la comédie ensemble. Oui, c'est ça. On quitte ce fameux Champs-Élysées du 22 mars 1986 pour retrouver John Hallyday le 6 décembre 1986 où il dévoile le premier titre de son futur album, de son album Gang, écrit par Jean-Jacques Goldman, uniquement Jean-Jacques Goldman, Elton John. Il est parti du projet. Avec ce soir, Johnny Hallyday. Forcer Avec un choriste et un guitariste exceptionnel, l'auteur de la chanson. Il fait toujours aussi chaud ici, hein. Oui, mais il faut dire que la chanson, on l'est également. Johnny, lorsqu'on est venu avec Françoise Coquet dans les studios, où a enregistré ce disque, on s'est dit que c'est une chanson formidable pour la scène. Est-ce que ça veut dire que lorsque Johnny va faire son tour sur scène, pour la première ou pour la dernière, il pourra compter sur la collaboration de l'auteur? Oh, ça, je ne sais pas. Il faudra demander à Jean-Jacques s'il n'est pas, lui, en tournée parce qu'il travaille beaucoup ou s'il n'est pas en vacances. Enfin, je l'espère. Mais je dois dire que j'ai été très heureux de faire ce disque parce que Jean-Jacques m'a écrit des chansons, surtout pour la scène, en espérant qu'elles soient aussi pour le disque. Bon, en tout cas, ça marche déjà très fin. Non, si je pose cette question, c'est que moi, j'ai vu Johnny Hallyday un soir au Zénith chanter avec Goldman. Oui, mais c'était une chanson qui est devenue presque un classique maintenant. Enfin, des chansons qu'on aime, c'était toute la musique qu'on aime, toute la musique que j'aimais. Alors, tous les musiciens la connaissaient déjà bien, moi je la connaissais bien, donc quand il est venu, il était comme dans son salon, là. Bien, Jean-Jacques va maintenant descendre quelques marches devant la caméra de Françoise Boulin, on va lui tendre un tabouret, car on va retrouver maintenant alors l'interprète de ses propres chansons. Johnny, tu restes avec moi, parce qu'il faut préciser que tout à l'heure, vers 23h, sur cette même chaîne, oui, vas-y, les téléspectateurs d'Antenne 2 pourront voir le clip pour la première fois de cette chanson qui est due à l'ami Schmitt, qui est un metteur en scène qu'on connaît bien. Bernard, oui. Bernard Schmitt, voilà. Et pour être complet, voilà à quoi je passe mes soirées. J'ai feuilleté ce livre. Johnny, voilà, 30 ans de secret. Si je voulais rendre hommage à ce livre, c'est qu'il a été écrit par Long Christ et que Long Christ est peut-être, je dirais pas ton meilleur ami, mais un de tes meilleurs amis. Et il a écrit des chansons. Oui, il a écrit les textes de Si j'étais un charpentier. Gabriel, enfin plein de chansons. Ouais. Et il me suit. On s'est connus, j'avais 12 ans et lui 12 ans et demi. C'est-à-dire qu'on a à peu près le même âge. Et il me suit depuis plus de 30 ans. Et je pense qu'il a voulu écrire un livre sur notre amitié. Et sur... C'est toujours difficile de parler de sa propre vie, ouais, vue par les autres. Et lui, il a écrit ma vie vue par lui. Johnny Hallyday qui revient dans Champs-Élysées le 17 janvier 1987 pour la promotion du film Terminus. Il revient à nouveau sur le plateau de Champs-Élysées le 11 avril 1987 pour interpréter avec Carmel « J'oublierai ton nom ». Non, on l'aura pas ce soir en extrait ou quoi que ce soit. Et il revient à nouveau en 1987 le 12 septembre exactement pour une émission spéciale Olympia. Et les caméras donc de France 2 ou d'Antenne 2 encore à l'époque filment Johnny Hallyday pour les répétitions de Bercy et Johnny interprétera le titre Je te promets. Merci. Et écoutez, Jean-Jacques, indirectement, vous avez le retrouver maintenant puisque c'est une chanson de lui qu'on va entendre, mais avec quel interprète, puisqu'il s'agit de Johnny. Nous sommes allés voir Johnny qui commence dans deux jours

des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Vous avez vu, les affiches se donnent à Bercy et un succès considérable, le plus grand succès probablement de l'histoire du spectacle en France, puisque la salle est immense, près de 13 000 personnes. Il y restera près d'un mois finalement, puisqu'il a ajouté 5 représentations. 5 représentations, tout à fait. Le 7 novembre 1987, aux Champs-Élysées, présenté le clip Laura allant sur leur antenne. Nous avions après, encore une fois, Johnny qui apparaissait le 29 avril 89 pour parler de la série David Lansky. Le 24 juin 1989, Johnny interprétait Mirador en playback, évidemment. Le 16 décembre 89, Johnny repasse sur le plateau de Champs-Élysées dans la spéciale Jean-Paul Belmondo. Il interprète avec Vanessa Paradis le titre Si j'étais moi. Après, donc, Champs-Élysées s'achève en juin 1990 pour reprendre de façon, on va dire, épisodique de 3 émissions par saison de 2010 jusqu'à 2013. Johnny y figurera 2 fois. Le 26 novembre 2011, il interprétera un medley avec les chansons Tennessee, les musiques que j'aime, Gabriel, Oma et Jolie Sarah. Et le 2 novembre 2012, avec la chanson L'Attente, dont l'album sortait le 12 novembre 2012. Et Johnny a chanté cette chanson en playback. On va retrouver justement le medley du 26 novembre 2011. Il y aura l'apparition de Christophe Maé qui va interpréter avec Johnny en duo Gabriel. Ouais. On aura pu s'en passer. Ouais. Voici le medley d'une idée. Sans hésiter du 26 novembre 2011. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit. Ce désir fou de et notre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, et quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Tu sais, moi j'y mets mes joies, oui, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur les guitares, des mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Christophe Maé. partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre ta voix et ne plus m'essouffler sous tes cris. Chef, cette émission, la première de l'année 2023 avec John Hallyday et ses apparitions dans l'émission Champs-Élysées de Michel Drucker. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté cette émission et puis d'avoir participé comme tous les mercredis sur Facebook dans le groupe Johnny de A à Z. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.